Anne d'Arcona par Alexandre de Lavergne. Chapitre 1er. Le jour était sur son déclin. Bien qu'on ne fût encore qu'au printemps, l'atmosphère lourde et embrasée et le ciel tout parsemé de gros nuages noirs annonçaient un prochain orage. Jean-Claude le batelier rentra dans la misérable cabane qu'il occupait sur les bords de la Seine, non loin de la petite ville de Vernon. Sa femme, chétive créature au visage hâve et maladif, qui se tenait assis dans un coin de l'habitation, se leva languissamment en le voyant paraître. « Eh bien, lui dit-elle, as-tu pu te procurer quelque argent à la ville ?» Jean-Claude hocha tristement la tête, puis il se laissa tomber sur un banc de bois, en frappant du poing la table qui se trouvait à côté, et qui, avec une vieille couchette vermoulue et quelques ustensiles de ménage dans un état complet de dégradation, composait tout le mobilier de cette pauvre cabane. Il y eut un silence, silence plein d'angoisse et de torture pour l'un et l'autre des deux personnages, qui tremblaient mutuellement de s'interroger. On eût dit deux condamnés chargés de s'annoncer réciproquement leur sentence de mort. À la fin, le batelier s'écria d'une voix brusque « Est-ce que le souper n'est pas prêt ?» Celle à qui s'adressait cette question tressaillit et répondit tout bas « Il n'y a plus rien pour souper. Tu sais bien, Jean-Claude, que nous avons mangé ce matin ce qui nous restait. Mais les enfants pleuraient. Ils avaient bien faim. Je viens de les coucher, ils dorment. » Le batelier se cacha la tête avec ses deux mains, mais il ne pleura pas. Au bout d'un instant, il s'écria « Si je n'apporte pas d'argent, j'apporte des nouvelles. Lesquelles ? Paris est à feu et à sang. Les bourgeois ont pris les armes et massacré les gardes du roi. Tous les quartiers de la ville sont barricadés. Le roi Henri III est en fuite avec sa cour. C'est Monseigneur Henri de Lorraine qui a fait tout cela. Que t'importe ? Femme, c'est la main de Dieu qui conduit Monseigneur de Lorraine, car notre roi est un impie qui fait alliance avec les hérétiques. Et les hérétiques sont des bêtes malfaisantes auxquelles il faut courir sus pour les exterminer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est Monsieur le curé de Vernon qui l'a dit dans son prône. Que nous en reviendra-t-il ? En mourrons-nous moins de faim ? Est-ce que ce ne sont pas toutes ces discordes qui ruinent le pays et nous empêchent de gagner notre vie ? Il est vrai. Femme, que faut-il faire ? Il faut donner à manger à tes quatre enfants. Qui m'en fournira les moyens ? Dieu, prions-le. » Et tous les deux s'agenouillèrent dévotement. Pendant ce temps-là, l'orage, qui menaçait depuis longtemps, s'était enfin déclaré. De violents éclats de foudre ébranlaient les airs. Au crépuscule avaient succédé d'épaisses ténèbres que sillonnait par intervalles la lueur blafarde des éclairs. Une pluie battante pénétrait à travers la toiture disjointe de la cabane. Au plus fort de l'orage, un coup violent retentit à la porte. Jean-Claude et sa femme restèrent immobiles et absorbés dans la ferveur de leurs prières. Cependant, comme heurtait de nouveau avec plus de force, le batelier se leva, alluma sa lanterne et alla ouvrir. Un homme entra enveloppé dans un manteau et la tête cachée sous un large feutre ruisselant de pluie. « Que voulez-vous ? » dit Jean-Claude d'un ton farouche. « Si c'est l'hospitalité, vous vous adressez mal. Il n'y a ici ni de quoi vous coucher, ni de quoi vous nourrir, ni de quoi même vous abriter. Regardez !» L'inconnu se débarrassa de son chapeau, et à la faible clarté que projetait la lanterne, on put voir une belle tête de jeune homme d'environ 25 ans, d'un caractère plein de grâce, mais peut-être un peu efféminé. « Pardonnez-moi, dit-il, mes braves gens, si je vous dérange. Ce n'est point l'hospitalité que je viens vous demander. On m'a dit que le maître de ce logis avait une barque et qu'il pourrait me rendre le service que je viens réclamer de lui. J'arrive de Mantes et je vais à Rouen. Il a fait si grand chaud aujourd'hui que mon cheval m'a laissé en route, fort empêché au milieu de ce grand orage. La pauvre bête est crevée. Si j'étais arrivé encore, je ne me plaindrais pas, mais il paraît que je ne suis qu'auprès de Vernon. Or, quelque estime que j'ai pour les aubergistes en général, je suis peu disposé, en particulier, à passer la nuit dans la ville de Vernon. Je doute que les draps de lit soient plus fins qu'à Mantes. Vrai Dieu, mes chers amis, j'en sens encore mes côtes tout endolories. » En un mot, que voulez-vous ? Interrompit Jean-Claude avec une impatience mal déguisée. « Eh quoi, l'ami ? Vous n'avez pas compris que je veux que vous me conduisiez à Rouen, où m'attend un bon gîte et un lit garni de la fine toile de Flandre haussée de dentelle ? Y songez-vous, partir pour Rouen par un temps pareil ? L'orage touche à son terme, et je suis bien déterminé à ne plus coucher de ma vie à l'auberge. J'en frémis rien que d'y penser. Allons, mon brave homme, décidez-vous où je vais m'adresser ailleurs. Si c'est votre salaire qui vous inquiète, voici de quoi payer le voyage de tous les saints du paradis, s'il leur prenait fantaisie d'aller à Rouen. » En parlant ainsi, le jeune cavalier fit sonner aux oreilles du batelier une bourse des mieux garnies. « Combien me donnerez-vous ? » dit Jean-Claude, sur lequel se sont produits un effet électrique. « 2 pièces d'or, vous semble-t-elle un prix suffisant ?»« Partons ! » s'écria vivement le batelier, dont les yeux flamboyèrent. Car une pareille somme représentait pour lui le prix du travail de plusieurs mois. « Adieu, femme ! » ajouta-t-il tout bas. « Nos enfants auront demain à manger. » Durant cette conversation, l'orage s'était en effet calmé et la lune commençait à poindre à l'horizon sous un nuage noir. L'inconnu sauta lestement dans la barque que le batelier venait de démarrer et tous deux se mirent en route. Jean-Claude employait alternativement la rame ou la voile, selon que la direction du vent, qui changeait à chaque instant, lui permettait de recourir à l'un ou à l'autre de ses moyens. Quant à son compagnon, il s'était tout d'abord étendu de son mieux à l'arrière de la barque, enveloppé dans son manteau, et se laissait aller insoucieusement au mouvement de ce frêle esquif, sans s'inquiéter le moins du monde de la route qu'il suivait. Quelquefois, au milieu du silence solennel de la nuit, un léger bruit venait se mêler à celui de la rame qui fendait l'onde ou du vent qui s'engouffrait dans la voile. C'était la voix du jeune passager qui fredonnait ce refrain d'une villanelle fort à la mode alors. « Nous verrons, charmante maîtresse, qui premier se repentira. » Peu à peu, les sons devinrent plus vagues et plus inarticulés, jusqu'à ce qu'elles s'éteignissent tout à fait. Le chanteur était endormi. On était alors à la hauteur de Gaillon. Le batelier, n'entendant plus son compagnon, abandonna au moment ses rames et, laissant sa barque suivre le courant, il se mit à contempler attentivement au rayon de la lune celui qui venait de se confier à lui. « Quel peut être ce muguet ? » se dit-il en lui-même. « Ou je me trompe fort, ou c'est quelque huguenot damné qui a besoin de se cacher, car il n'est guère d'usage de s'embarquer la nuit et par un pareil temps. Pourtant il chantait tout à l'heure, mais c'était probablement pour s'étourdir ou pour me donner le change, car je gagerais que ce mécréant a une mauvaise action sur la conscience. Au fait, que m'importe, sa bourse est bien garnie et je serai chèrement payé. Oui, mais avec de l'argent mal acquis, peut-être. » Ici Jean-Claude devint rêveur, et voulant chasser je ne sais quelle mauvaise pensée qui commença à s'insinuer dans son esprit, il reprit ses rames avec beaucoup de vivacité et se mit à réciter à voix basse les litanies de la Sainte Vierge pendant que ses bras, qui accomplissaient en même temps une œuvre toute matérielle, imprimaient à la barque une impulsion des plus rapides. Mais bientôt ses bras se lassèrent et son esprit reprenant toute son activité. « Mon Dieu » s'écria-t-il, « bien haut, mal acquis, l'argent contenu dans cette bourse est bien peu de chose pour ce jeune homme, puisqu'il me donne 2 pièces d'or pour le conduire à Rouen. Et pourtant, il y aurait là de quoi assurer du pain à ma femme et à mes 4 enfants jusqu'à la fin de leur jour. Tandis qu'une fois les 2 pièces d'or épuisées, ce sera comme hier, comme aujourd'hui, il nous faudra mourir de faim et de misère. La guerre civile ne peut produire d'autres fruits pour nous autres pauvres diables. La guerre civile, qui nous l'a donnée, si ce n'est la faiblesse de notre roi, et les débauches et les impiétés des huguenots, comme l'a si bien démontré M. le curé dans son prône, oh, que je voudrais en tenir entre mes mains de ces calvinistes de malheur !» À cet instant, le batelier tressaillit comme frappé d'une idée subite et jeta un sinistre regard sur son compagnon. « Mais avis, murmura-t-il, que ce jeune homme est d'un de ses réprouvés. D'abord, son langage est plein d'impureté, et ensuite, au lieu de faire sa prière avant de s'endormir, comme il convient à un bon catholique, il chante des chansons profanes. Je voudrais bien savoir quelle pénitence M. le curé de Vernon pourrait imposer en confession à celui qui s'accuserait d'avoir pris la bourse d'un huguenot durant son sommeil. » Pendant que Jean-Claude se livrait à ses réflexions, le ciel s'assombrissait de nouveau. La lune venait de disparaître et tout présageait un nouvel orage. Jean-Claude bénit intérieurement le ciel qui, en lui donnant un danger à conjurer, détournait une coupable tentation de son âme. Il eût voulu, dans ce moment, avoir lutté contre la plus terrible tempête, mais l'enfer, sans doute, qui se plaît à triompher des meilleures résolutions humaines, ne permit pas que cette tempête se déclarât. Une brise légère, qui s'éleva tout à coup du sud-est, chassa les nuages vers l'horizon. L'atmosphère, jusque-là chargée de vapeurs, commença à prendre cette transparence et cette limpidité qu'on remarque dans les belles nuits d'été, et les étoiles se montraient radieuses sur la voûte éthérée. Par un contraste bien marqué, à mesure que le temps se rassérénait, l'âme du malheureux Jean-Claude s'obscurcissait de plus en plus. Désormais, préoccupé par une seule pensée, les bras pendants, la tête baissée, il laissait aller sa barque à la dérive, l'œil sans cesse fixé sur son compagnon endormi. dont l'aspect semblait exercer sur lui une sorte de fascination. Tout à coup, ce dernier, dans son sommeil, fit un mouvement. Son manteau s'entr'ouvrit, et un objet assez pesant, se détachant de sa ceinture, vint frapper le plancher de la barque en rendant un son métallique. Jean-Claude se sentit tressaillir jusqu'au fond des entrailles. C'était la bourse qui venait de tomber, et bien que la lune fût encore cachée sous un nuage, l'obscurité n'était pas assez grande pour qu'il ne pût distinguer aisément quelques pièces d'or qui venaient de rouler à ses pieds. En proie à une émotion qu'il serait impossible de décrire, il se leva, et se penchant vers l'inconnu, il l'observa avec une attention pleine d'angoisse. Celui-ci dormait toujours. Tremblant, la tête perdue, le batelier se baissa et ramassa avec avidité les pièces d'or. Déjà, il en chargeait ses vêtements. Lorsqu'un bras se leva vers lui, et une bouche lui jeta ses mots à la face. « Hé, l'ami, attendez au moins, pour me voler mon or, que je sois tout à fait endormi. » En se voyant découvert, Jean-Claude fut pris d'un horrible vertige. Peut-être il eut embrassé les genoux d'un homme qui l'aurait accablé de menaces et d'injures, mais vis-à-vis d'un homme qui se contentait de le foudroyer par une froide raillerie, il n'éprouva que de la rage. Il avait dans sa ceinture un couteau ouvert. Il le saisit, et le brandissant au-dessus de la tête de la victime, étendu à ses pieds sans défense. « Mon beau Muguet !» lui cria-t-il d'une voix de tonnerre. « Si tu n'es pas encore endormi, apprête-toi maintenant, car c'est moi qui vais t'endormir. » Et en parlant ainsi, il le frappa la gorge. À cet instant, la lune, se dégageant tout à fait des nuages qui la voilaient depuis longtemps, illumina de ses rayons les tourelles du château d'Arcona, dont l'ombre gigantesque s'étendit sur les eaux de la Seine. On était à 3 lieues de Rouen. Chapitre 2e. Déjà 10 heures du soir, s'écria Mademoiselle Anna d'Arcona en jetant sur une table un ouvrage de tapisserie auquel elle était occupée. « Mon père n'est pas encore rentré au château. C'est sans doute ce grand orage qu'il aura retenu chez mon oncle de Songis, et il ne reviendra peut-être que fort avant dans la nuit, ou même demain matin. Allons, je ne l'attendrai pas davantage, car il m'aime tant, mon bon vieux père, que s'il me voyait un peu pâle demain, il s'imaginerait que je suis malade pour cela, et en serait triste pendant 8 jours. Marthe, déshabille-moi. »« Mademoiselle, je vous approuve, » répondit la vieille Marthe, en se levant de l'escabeau qu'elle occupait auprès du fauteuil de sa jeune maîtresse. « Il faut se coucher à bonne heure et se lever de même. Agir autrement, c'est offenser Dieu. Vous plaît-il que j'aille chercher votre Bible? Pourquoi faire ma pauvre nourrice? Mais, » reprit Dame Marthe avec toutes les marques de la plus profonde stupéfaction, « pour vous préparer au sommeil par quelques lectures pieuses, ainsi qu'à coutume de le faire chaque soir, monsieur le comte. Je te jure, nourrice, » repartit la jeune fille en réprimant à moitié un léger bâillement, que je n'ai nul besoin de cela pour dormir ce soir, et puisque mon père est absent, je t'aimerai de tout mon cœur si tu m'en dispenses. Pourtant, tu me promets de ne pas lui parler de cette petite infraction à ses principes, n'est-ce pas, bonne Marthe? Car il est si rigide sur les choses de la religion, mon père, je serai réprimandé. Hélas, s'écria la vieille en poussant un profond soupir, ne faites-vous pas de moi tout ce que vous voulez, mais prenez garde, mademoiselle. Dieu abandonne quelquefois ceux qui le négligent. S'il allait vous arriver malheur pour ne pas avoir lu votre Bible ce soir. Ne crains rien, Marthe, répliqua vivement la jeune fille. J'en lirai le double demain. En parlant ainsi, Mademoiselle Anna d'Arcona commençait elle-même la tâche dont elle avait réclamé l'accomplissement de la part de sa nourrice, tâche à laquelle celle-ci se prêtait évidemment un peu à contre-cœur dans cette circonstance. Tout à coup, elle interrompit sa toilette en disant « Il fait ce soir une chaleur étouffante. L'orage est entièrement dissipé. Marthe, ouvre la fenêtre, car on respire à peine dans cette chambre. » Marthe obéit, et la jeune fille se laissa tomber sur un siège auprès de la croisée, livrant avec délice au souffle du vent de la nuit ses beaux cheveux noirs dénoués et flottant sur ses épaules. Jamais peut-être ses grâces et sa jeunesse, car elle entrait alors dans sa 17e année, n'avaient rayonné d'un aussi vif éclat que dans ce moment où aucun secours étranger ne leur venait en aide. Et Marthe, en voyant si jolie celle qu'elle avait nourrie de son lait, ne put réprimer un sourire de satisfaction. Anne s'en aperçut, et par un sentiment instinctif de modestie, elle baissa les yeux en rougissant, mais presque au même instant elle tressaillit, devint pâle, et parut près de chanceler. « Qu'est-ce, mademoiselle? Qu'avez-vous ? » s'écria la vieille Marthe. « Écoute, » répondit la jeune fille, en prêtant elle-même une oreille attentive, « n'as-tu pas entendu comme un gémissement sur la rivière ?»« Non. » balbutia la nourrice, dont l'effroi croissait de plus en plus. « Oh, si fait !» on eût dit le dernier soupir d'un mourant. Pourtant, ajouta-t-elle en se penchant au balcon, je ne vois rien dans la partie de la rivière qu'on aperçoit d'ici. Vous vous serez trompé. Ici, on entendit distinctement, à une faible distance, comme le bruit de la chute d'un corps dans l'eau. Marthe et sa jeune maîtresse s'agenouillèrent spontanément en levant les yeux au ciel. Mon Dieu !» murmura Mademoiselle Anne, qu'est-ce que cela ? Serait-ce pas tout simplement, articula Dame Marthe avec beaucoup de peine, serait-ce pas quelque poisson qui saute à la surface de l'eau ? Après un orage, cela n'a rien qui doive étonner. Il était évident que la vieille, en cherchant à rassurer ainsi sa maîtresse, avait encore plus à cœur de dissiper sa propre frayeur. Au fait, reprit la jeune fille, je suis une folle qui ait tort de m'alarmer. S'il prenait fantaisie à quelqu'un de commettre un meurtre, il choisirait sans doute un endroit plus isolé de la rivière, et ne s'en viendrait pas pour cela juste sous les murs du château d'Arcona. Marthe, tu peux refermer la fenêtre. Marthe se mit en devoir de remplir l'intention de sa jeune maîtresse. Mais en approchant du balcon, elle s'arrêta soudain et tendit la main dans la direction de la rivière, pendant que de l'autre main, elle faisait signe à Mademoiselle Anne d'approcher. « Venez, venez » s'écria-t-elle. « Voici quelqu'un qui pourra nous apprendre juste ce qui en est. Je vais l'appeler. » Il se mit à crier de toute la force de ses poumons. « Eh, batelier, batelier !» Celui auquel s'adressait cette invocation se garda bien d'y répondre, et faisant force de rame, il descendit rapidement la rivière en se dirigeant vers le bord opposé et se trouva bientôt hors de la portée de la voix et même de la vue. Alors, tous les soupçons de la jeune châtelaine se changèrent en une affreuse certitude. Tremblante, elle se tourna vers sa nourrice. « Marthe, il n'y a pas un moment à perdre. Va, cours trouver nos serviteurs. Dis-leur qu'ils se jettent sur le champ dans les barques afin de prévenir, s'il en était encore, un grand malheur ou peut-être un crime. Va, va, ma bonne Marthe. Mais à ton âge, les genoux chancellent et l'on ne marche pas vite. Je cours plutôt moi-même. » Et en même temps, la jeune fille, haletante et perdue, s'élança hors de la chambre et traversa les corridors du château, appelant à grands cris tous les valets de son père. À sa voix, l'on accourut, et bientôt plusieurs barques sillonnèrent les flots de la Seine qui venaient baigner les murs du château d'Arcona. Anne elle-même demeura sur le seuil de la porte par où l'on descendait à la rivière, en suivant un escalier dont les derniers degrés allaient se perdre sous les eaux, encourageant du geste et de la voix les recherches actives des gens du château. À la clarté des torches, qui projetaient sur tout le paysage une lueur fantastique, on eût dit quelque charmante ondine sortie du sein des flots pour séduire les faibles mortels. Grâce à elle, sans doute, les recherches ne furent pas longtemps infructueuses et 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que les serviteurs du château d'Arcona déposaient au pied de leur jeune maîtresse le cadavre sanglant et inanimé d'un jeune homme dans lequel on a reconnu sans peine le compagnon de Jean-Claude le batelier. « Il est mort !» murmuraient tous les serviteurs d'une seule voix. « Mort ?» s'écria la jeune fille. « En êtes-vous bien sûr ?» Puis contemplant d'un regard mélancolique ce visage, dont les traits pleins de grâce et de noblesse semblaient endormis sous l'influence de quelques doux rêves, elle ajouta presque à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « Pauvre jeune homme, quel dommage !» À cet instant, la vieille Marthe parut, et s'avançant au milieu du groupe qui s'était formé autour du cadavre, elle l'examina à son tour avec cette attention recueillie qui est en général un des attributs caractéristiques de la vieillesse. Après avoir entrouvert le juste au corps de la victime et cherché à surprendre quelques battements de son cœur, Dame Marthe interrogea tour à tour chaque muscle de son visage et à la fin, elle s'écria avec un accent de triomphe « Vous ne savez pas ce que vous dites, ce jeune homme existe !»« Il existe ?» balbutia Mademoiselle d'Arcona, dont une vive rougeur vint colorer les joues. « Est-il bien possible ?» murmurèrent tous les serviteurs. « Qui ose en douter ?» reprit fièrement Dame Marthe. « Qu'on aille quérir sur le champ le chirurgien le plus proche. Il vous dira si j'ai menti. Moi, je me charge jusqu'à son arrivée de soigner ce jeune homme. » Ces dernières paroles de Dame Marthe furent accueillies, sinon avec une foi entière, du moins avec une respectueuse soumission. Dame Marthe était de ces femmes, comme on en trouvait alors dans bon nombre de demeures, et comme il en existe encore quelques-unes aujourd'hui, qui, attachées au service d'une famille pendant plusieurs générations, finissent par acquérir une sorte d'autorité sur les valets et parfois même sur les maîtres. Elles passaient d'ailleurs, à tort ou à raison, pour avoir quelques connaissances en médecine, et toutes les fois que quelqu'un tombait malade dans le château, c'était toujours elle que l'on consultait. Mademoiselle d'Arcona, s'associant avec empressement dans cette circonstance aux idées de sa nourrice, donna l'ordre de mettre à sa disposition l'une des plus belles chambres du château pour y transporter le jeune inconnu. « Tu en auras bien besoin, n'est-ce pas, ma bonne nourrice ?» dit-elle à Marthe, « et tu viendras me rendre compte de la visite du chirurgien. » À coup sûr, s'il n'eût craint des commentaires indiscrets de la part des serviteurs du château, Anne d'Arcona n'aurait pas eu besoin d'adresser cette recommandation à Dame Marthe, et elle n'eût point confié à d'autres qu'à elle-même une tâche qu'au fond de son cœur, elle enviait à sa nourrice. Était-ce donc que dans ce moment elle obéissait à cet admirable instinct de pitié dont Dieu fait l'un des plus beaux apanages de son sexe? Ou bien faut-il penser que déjà s'éveillait dans son âme un sentiment qu'elle ne pouvait encore s'avouer à elle-même? Je ne sais, mais lorsqu'elle se sépara de sa nourrice pour entrer dans sa chambre, on put remarquer qu'elle l'embrassait avec plus d'effusion qu'à l'ordinaire. Après cela, comment s'étonner que la jeune fille ait passé la nuit la plus agitée et que des rêves tour à tour pleins de charme ou de terreur l'aient transportée dans un monde tout nouveau pour elle? Lorsqu'elle s'éveilla le lendemain, Dame Marthe était à son chevet. « Eh bien, nourrice, lui dit-elle, comment va-t-il? Il paraît fort soucieux aujourd'hui, mais je pense qu'il souffre un peu de sa goutte et de ses anciennes blessures. » Anne se frotta les yeux et regarda sa nourrice d'un air ébahi. Celle-ci s'empressa d'ajouter « Il vous a déjà demandé, ce jeune homme ?» Dame Marthe haussa les épaules et dit « Il paraît que vous n'êtes pas encore bien éveillé. Je vous parle de monsieur le comte, votre père. » À cette réponse, Anne éprouva une sorte de frémissement, puis elle reprit avec beaucoup de vivacité « Mais moi, nourrice, je te parle de lui, de ce jeune homme que nous avons sauvé hier soir. Le chirurgien l'a-t-il vu? Qu'en pense-t-il? A-t-il repris connaissance? Mauvaise, tu m'avais promis de venir me raconter tout cela, et tu ne l'as pas fait. Mais réponds-moi donc. » « Si vous me laissiez le temps de parler, mademoiselle, vous sauriez déjà ce qu'il en est. D'abord, je ne vous ai pas rendu compte de la visite du chirurgien parce que ce jeune homme, n'étant ni votre parent ni un ami de monsieur le comte, il était inutile de venir troubler votre sommeil pour si peu de choses. Ensuite, mademoiselle, vous saurez que ce jeune homme a repris connaissance, mais qu'il est tombé presque aussitôt dans une léthargie profonde, bien qu'il existe. Le fait est certain, c'est le chirurgien qui l'a dit tout comme moi. Enfin, sa blessure est fort dangereuse, et le chirurgien ne peut pas encore répondre de ses jours. » En écoutant ces cruelles paroles, la jeune fille respirait à peine, et lorsque les dernières, surtout, retentirent à son oreille, une larme vint mouiller sa paupière. Dame Marthe s'en aperçut. « Eh bien, s'écria-t-elle, après tout, qu'importe la vie ou la mort de ce jeune homme, nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas qui il est. Croyez-moi, mademoiselle, ne vous occupez plus de cela et songez à vous rendre aux ordres de monsieur le comte, qui doit s'impatienter de ne pas vous avoir encore vu après une absence de 24 heures. « Tu as raison, ma bonne Marthe, » répondit Anne d'Arcona en poussant un profond soupir. « Habille-moi bien vite, afin que j'aille embrasser mon père. » Chapitre 3e. Le comte d'Arcona était assis dans un grand fauteuil de chêne sculpté en face d'une fenêtre dont les vitrailles entr'ouverts laissaient apercevoir les eaux de la Seine. Sa tête blanche et vénérable, sillonné par des rides profondes et tristement inclinées vers le sol, paraissait affaissé sous le poids des souvenirs qui venaient incessamment obscurcir son front. À quoi peut en effet penser un vieillard si ce n'est au passé? Et le passé du comte d'Arcona était bien sombre. C'était un de ces gentilshommes blanchis sous le harnais, éprouvés par 30 années de guerre civile, et dont les annales de cette époque de notre histoire si féconde en grands enseignements nous ont transmis plus d'un type mémorable. Issu d'une famille illustre de Normandie, qui fut des premières à embrasser le protestantisme, il s'était montré toute sa vie l'un des plus fidèles soutiens d'une cause à laquelle il avait sacrifié ses intérêts et ses affections les plus chères. Depuis la mort du roi François II, il ne s'était pas livré entre les catholiques et les huguenots un combat de quelque importance auquel il n'eût assisté et dont le gain ou la perte n'eussent été cimentés de son sang. Aussi jouissait-il d'une considération toute particulière dans le parti huguenot. À cette considération venait se joindre d'ailleurs cette pitié mêlée de respect qui s'attache d'ordinaire à toute grande infortune et l'environne en quelque sorte d'une auréole funèbre. Respect et pitié bien chèrement payés, si l'on en juge par ce que la tradition rapporte à cet égard. La fatale nuit du 24 août 1572 n'avait été pour le comte d'Arcona que le prélude des malheurs qui, à partir de cet instant, vinrent fondre sur sa maison. Après avoir échappé presque par miracle au massacre général qui marqua cette nuit de lugubre mémoire, après avoir vu un de ses frères égorgé sous ses yeux, il restait à subir une douleur plus poignante encore. En rentrant dans son château, il apprit qu'un parti catholique, en ayant forcé les portes pendant son absence, l'avait pillé de fond en comble. Alors un affreux pressentiment le saisit. Dans ce château, il avait laissé ce qui lui restait de plus cher au monde, sa femme, jeune et belle encore, et toute sa famille, composée de 3 fils et d'une fille au berceau. Les serviteurs étaient pâles et muets, et sa femme n'était point venue comme de coutume à sa rencontre escortée de ses enfants. D'une voix à peine articulée, il demanda à les voir, et comme nul ne répondait, ce gentilhomme, si fier de son rang, si endurci par le métier des armes, se laissa tomber en pleurant au pied d'un de ses balais, puis il s'écria, avec un accent qui eût touché le cœur le plus dur, « Ma femme, mes enfants, amis, où sont-ils ?» Le valet hocha tristement la tête en montrant du doigt pour toute réponse une partie du château dont les fenêtres étaient brisées. « Existe-t-il ? » reprit le comte. Le valet fit un signe de tête affirmatif et le comte se précipita dans l'intérieur du château. C'est là que l'attendait le plus cruel spectacle. Une femme pâle, les cheveux en désordre, contemplait avec un rire sauvage 3 jeunes enfants agenouillés à ses pieds et qui lui rendaient grâce de ce qu'elle leur avait sauvé la vie. Infortunée comtesse d'Arcona, elle en devint folle, et Dieu lui accorda la faveur de mourir à peu de temps de là, sans qu'elle lui recouvrait la raison. Quant à ceux pour qui elle avait sacrifié plus que sa vie, lorsqu'ils furent devenus hommes et qu'ils surent manier une épée, tous 3 quittèrent un beau matin le château d'Arcona en compagnie de leur père. C'était peu de temps avant la sanglante bataille de Jarnac, qui fut si fatale au parti huguenot. Quelques jours après, le comte d'Arcona revint dans le manoir de ses pères, traînant à sa suite 3 cercueils. Voilà pourquoi le comte d'Arcona était assis dans son grand fauteuil de chêne sculpté, la tête tristement inclinée vers le sol. Voilà pourquoi son front était toujours si soucieux et si sévère. C'est qu'il se souvenait. Sa fille entra, sa fille dernier débris échappé à tant de tempêtes. Faible et suprême rejeton d'un arbre jadis vigoureux et puissant, et maintenant séché jusque dans ses racines, sa fille, unique consolation qui lui fut restée dans ses vieux jours, depuis qu'il avait perdu ceux qui devaient en être l'espérance. En l'entendant marcher près de lui, il releva vivement la tête, et lui faisant signe d'approcher, il la baisa au front, puis d'un ton de léger reproche. « Anne, lui dit-il, d'où vient que tu as tant tardé aujourd'hui à venir embrasser ton père? Sais-tu, ma fille, qu'il y a 24 heures tout autant que je ne t'ai vue? C'est bien long, n'est-ce pas? Et peu s'en est fallu, ma pauvre enfant, que cette séparation fût éternelle. » Ici, Anne poussa un faible cri et se serra avec effroi contre le sein de son père. « Oui, ma fille, reprit le vieillard, hier soir, après l'orage, en revenant de chez ton oncle de son gis, une bande de reîtres a osé arrêter mon escorte à l'entrée du bois, en sommant nos gens de crier « Vive la messe !» s'ils ne voulaient servir de point de mire aux arquebusades de ces damnés païens. Nos gens ont refusé, comme bien tu penses, de proférer un semblable blasphème. Et alors l'exécution a suivi de près la menace. Nous avons été assaillis par une décharge générale à la suite de laquelle 2 des nôtres sont restés sur la place. Voilà comment on exécute les édits. Oh, les misérables papistes! Que ne puis-je me venger sur eux et leur faire payer cher tous les maux qu'ils m'ont causés? Au moins, mon père, reprit vivement la jeune fille, vous n'êtes pas blessé? Non, ma fille. Dieu a encore épargné cette fois une existence qu'il réserve peut-être à de nouvelles épreuves. Oh, chassez bien vite ces vilaines pensées, mon père. Dieu est miséricordieux. Sans doute. Mais jusqu'à ce jour, il s'est montré bien sévère pour notre maison. Cela est triste. N'en parlons plus. Aussi bien je te trouve un peu pâle ce matin. Qu'as-tu ? Moi, rien. Je vous assure, je n'ai rien. Ah, tu veux en vain t'en défendre. C'est sans doute l'inquiétude que tu as éprouvée de ne pas me voir rentrer hier soir, qui aura troublé ton sommeil. Et puis tu n'as pas oublié que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de ta malheureuse mère. Non, mon père. Ce fut en balbutiant que Mademoiselle d'Arcona prononça ces derniers mots. Il y eut une pause. Au bout de quelques instants, le comte reprit la parole. En mon absence, ne s'est-il rien passé de nouveau? Mon père, fut-il répondu avec un léger embarras, ne vous a-t-on pas rendu compte qu'un étranger, un jeune homme, avait été retiré des flots sous les murs du château? Je lui ai fait donner les premiers secours. C'était mon devoir, n'est-ce pas, mon père? Tu as bien agi, ma fille. Sait-on quel est ce jeune homme? On l'ignore car à peine il avait repris connaissance qu'il est tombé dans une léthargie profonde. Dieu veuille que ce ne soit pas un de nos ennemis. Pouvez-vous le supposer? Si c'est un catholique, c'est toujours un ennemi, et je ne saurais lui donner l'hospitalité dans mon château. Mais il est dangereusement blessé. Qu'importe? Il ira chercher ailleurs les secours qui lui sont nécessaires. Les trouvera-t-il? À ces dernières paroles de sa fille, le comte releva vivement la tête, et un éclair d'indignation brilla sous ses épais sourcils. Mon Dieu! S'écria-t-il, est-ce bien Anne d'Arcona que j'entends? Pardon, pardon, mon père! Interrompit vivement la jeune fille. Pardon si je vous ai offensé. C'est seulement si ce jeune n'est pas bien plutôt un de nos co-religionnaires. Oui, si mes pressentiments ne me trompent pas, il en doit être ainsi, et c'est sans doute la main de Dieu qui a guidé cet étranger, en lui faisant trouver salut et asile dans le château d'Arcona. Mais si par malheur il en était autrement, dites, mon père, vous que j'ai toujours vu si bon et si compatissant, voudriez-vous laisser mourir sans secours à la porte de votre demeure un malheureux qui ne vous a jamais fait de mal, lui ? Ma fille, répondit le vieux gentilhomme en regardant fixement celle qui se tenait devant lui suppliante, lorsque tes trois frères sont morts sur le champ de bataille de Jarnac, frappés par des catholiques, quel catholique est venu à leur secours ? Lorsque ta mère s'est traînée au pied des bourreaux catholiques en demandant grâce, quel catholique lui a fait grâce ? Anne baissa la tête en soupirant. Et le comte d'Arcona, se levant avec effort de son fauteuil, appela un de ses gens. « Eh bien, dit-il, quelle nouvelle de ce jeune homme ?»« Monseigneur, répondit le valet, il n'est pas encore sorti de son sommeil. »« Va-t'en près de lui, reprit le comte, et dès qu'il s'éveillera, tu viendras me prévenir. Je veux voir ce jeune homme et l'interroger moi-même. Nul jusque-là, pas même le chirurgien, ne doit approcher de lui. Entends-tu, tu m'en réponds. » Le valet s'inclina et sortit. Un quart d'heure n'était pas écoulé que ce même valet était de retour. « C'est bien, » dit le vieillard sans même lui laisser le temps d'ouvrir la bouche. « Je te suis. » Anne d'Arcona, en voyant son père, se dirigeait vers la porte de la salle où s'accomplissait cette scène, sentit son cœur se serrer. Ce jeune homme, elle l'avait à peine entrevu, et déjà il n'était plus un étranger pour elle. Bien plus, par je ne sais quel mystérieux instinct, il lui semblait que tôt ou tard leur destinée devait être intimement liée. Et que de l'interrogatoire qui allait avoir lieu dépendait pour elle tout un avenir. En proie à une angoisse inexprimable, elle demeura quelque temps immobile, puis, obéissant tout à coup à cette puissance secrète et irrésistible qui la poussait dans la chambre fatale. « Mon père, » s'écria-t-elle en s'élançant d'un bond auprès du vieux gentilhomme qui franchissait déjà le seuil de la porte, « vous êtes souffrant, permettez que je vous conduise. » Cette requête fut prononcée avec ce ton moitié caressant, moitié indifférent, que les femmes même les plus inexpérimentées savent si bien prendre pour cacher une pensée déjà coupable, et le comte, sans défiance, traversa les longs corridors du château, appuyé sur le bras de sa fille. Par un funeste hasard, la chambre où le blessé avait été déposé était celle où la comtesse d'Arcona avait expiré quelques mois après la terrible catastrophe, à la suite de laquelle elle perdit la raison. Et lorsque le comte et sa fille y furent introduits, tous deux, maîtrisés par l'influence de ce funèbre souvenir, levèrent les yeux au ciel en poussant un profond soupir. L'ameublement de cette chambre demeurée inhabitée était le même qu'au temps où la comtesse l'occupait. Sa Bible et son métier à tapisserie semblaient l'attendre encore, et au demi-jour que laissait pénétrer dans la chambre de sombres rideaux de damas d'une couleur problématique, on eût dit que la pauvre insensée, s'associant aux vengeances de son époux, était sorti de sa tombe pour chasser l'audacieux qui avait osé usurper sa couche. En effet, à l'une des parois de la muraille, était appendu un énorme cadre au milieu duquel se détachait l'effigie de Catherine de Breuil, comtesse d'Arcona, en costume de chasse, avec un grand lévrier à ses côtés. Frappé d'une terreur superstitieuse, le vieux gentilhomme demeura à quelques pas du lit sur lequel le blessé était étendu, sans oser s'en approcher, et comme celui-ci, en entendant la porte s'ouvrir, avait machinalement avancé la tête, le comte lui dit d'une voix qui sut rendre pourtant assez ferme, « Monsieur, Dieu vous a fait mon hôte. Que Dieu soit loué pour cela. Mais si l'hospitalité a ses devoirs, elle a aussi ses droits. Excusez-moi donc si je me vois forcé de vous adresser quelques questions auxquelles je ne doute pas que vous ne soyez prêt à répondre avec une entière franchise. » L'inconnu fit un signe de tête affirmatif et à cet instant ses regards rencontrèrent ceux d'Anne d'Arcona. À l'aspect de cette charmante jeune fille, qu'il n'avait pas d'abord aperçue, car elle était restée un peu en arrière du comte, il tressaillit et se souleva à moitié sur son séant, comme pour mieux jouir de ces douces visions qui venaient embellir son réveil. Son regard acheva de porter le trouble dans le cœur d'Anne d'Arcona. Elle baissa les yeux en rougissant, et comme si elle eût espéré trouver dans le simple contact de son père la protection dont elle sentait déjà le besoin, elle se rapprocha du comte et, saisissant son bras, s'y appuya. Tout cela avait duré à peine quelques secondes, et M. d'Arcona commençait déjà le cours de ses questions. « D'abord, dit-il, il convient que je sache si je parle à un gentilhomme. » Le blessé, entièrement préoccupé de la gracieuse apparition qu'il avait devant lui, demeura quelque temps sans répondre, puis ce fut d'une voix faible et à peine perceptible, mais toutefois avec une certaine fierté qu'il murmura ces mots. « Je suis gentilhomme. Votre nom ?» Pour toute réponse, le jeune homme désigna du doigt un poignard sous le pommeau duquel était gravé, selon l'usage de l'époque, l'écusson de celui qui en était possesseur. Cet écusson était celui de la branche aînée de la maison de Bourbon, avec la barre d'illégitimité. « Vous êtes de bonne et glorieuse maison, » s'écria le comte, « et dans notre royaume de France, on a droit de s'honorer de sa bâtardise quand elle est greffée sur d'aussi nobles armoiries. J'ai combattu sous les ordres du feu roi de Navarre, votre père, et je puis dire que c'était un vaillant capitaine à la guerre. Dieu fasse paix à son âme et donne de longs jours à son fils le roi Henri. Maintenant, monsieur, encore une question. Ce sera la dernière. Est-ce un catholique ou un protestant que je parle? Un ami ou un ennemi? » Un silence effrayant succéda à ces paroles du comte, silence au milieu duquel une oreille attentive eût pourtant distingué à coup sûr les battements précipités du cœur de mademoiselle Anne d'Arcona. La pauvre fille attendait la réponse du jeune gentilhomme avec une anxiété semblable à celle de l'accusé qu'une sentence irrévocable est sur le point d'absoudre ou de condamner à mort. « Je suis, » balbutia le blessé dont les forces diminuaient graduellement et d'une voix si faible qu'on eût dit qu'elle sortait du fond d'une tombe, « je suis. » Ici, soit que la parole lui manquât, soit qu'il lût dans les yeux de la jeune fille tout le danger de sa situation, il s'arrêta. « Que dites-vous ? » murmura le comte en se rapprochant du lit. « Je ne vous ai pas entendu. » Le jeune homme ouvrait de nouveau la bouche lorsque mademoiselle d'Arcona s'écria avec une étrange vivacité. « Mon père, ce gentilhomme dit qu'il est du culte réformé. » En même temps, se penchant rapidement vers le chevet du blessé, elle lui dit à voix basse, « Par grâce, ne me démentez pas. » Celui qu'elle venait de sauver ainsi d'une mort presque certaine, eu égard à l'état dans lequel il se trouvait, la regarda avec une indicible expression de reconnaissance et d'amour, puis il s'écria distinctement, « Oui, je suis Huguenot. » « Alors, » reprit le comte en lui tendant la main, « je parle à un ami. Monsieur de Bourbon, soyez le bienvenu dans le château d'Arcona. » Chapitre 4e. Un soir du mois de juin 1588, un mois environ après les événements qui précèdent, trois personnages connus du lecteur étaient réunis pour la veillée dans l'une des salles du château d'Arcona. C'était le comte, sa fille et le bâtard de Bourbon. M. d'Arcona était assis comme à l'ordinaire dans son gros fauteuil de chêne sculpté, seulement son visage était moins sombre que de coutume. À son côté se tenait sur un escabeau sa fille Anne, occupée à travailler un ouvrage de tapisserie. Un peu plus loin, M. de Bourbon, un livre à la main, en faisait à haute voix la lecture. Ce livre était le recueil des poésies de M. de Ronsard, et le jeune gentilhomme venait de tomber sur le succès suivant que le poète adresse à sa maîtresse. « Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Là, le temps non, mais nous nous en allons. Et tôt seront étendus sous la lame, et des amours desquels nous parlons, quand ce remords ne sera plus nouvelle, pour ce aimez-moi, cependant, qu'est belle. » Rien ne saurait peindre l'expression avec laquelle ces vers furent lus, non plus que le regard passionné qu'attacha M. de Bourbon sur la jeune fille pendant qu'il prononçait le dernier vers. On eût dit que son âme tout entière avait passé dans ce regard. Anne d'Arcona, émue et palpitante, avait, involontairement sans doute, laissé glisser sa tapisserie sur ses genoux pour ne pas perdre une seule de ses paroles, dont la douce mélodie captivait son oreille et faisait battre son cœur. Tout à coup, un violent éclair inonda la salle d'une lueur blafarde, et la foudre éclata avec furie. La jeune fille tressaillit et ferma ses yeux en tremblant. Mais ce qui paraîtra peut-être plus surprenant, M. de Bourbon lui-même devint pâle comme un mort et laissa échapper le livre de ses mains. « Vrai Dieu ! s'écria le comte en contemplant son hôte qui semblait près de défaillir. « Voilà bien la jeunesse, toujours sourde aux avis des têtes à barbe blanche. N'avais-je pas raison, mon gentilhomme, de vous dire qu'il fallait garder le lit quelques jours de plus pour achever de vous remettre de votre blessure ? Mais à peine étiez-vous hors de danger que vous avez voulu à toute force vous lever. Et non content de cette imprudence, il faut maintenant que vous veniez faire la veillée avec nous, comme si ce n'était pas assez de nous faire compagnie tout le jour. Vous voyez que vous êtes encore trop faible. Allons, si vous m'en croyez, retournez à votre chambre et que Dieu vous garde. » « Monsieur, répondit le jeune homme qui commença à se remettre de son effroi, je vous rends grâce de votre sollicitude, mais croyez-moi, ce que j'ai éprouvé n'est point faiblesse provenant de la blessure que ce traître batelier m'a faite. Vous avez entendu comme moi cet éclat de foudre. J'avoue qu'il m'a épouvanté. Est-il possible, reprit le comte, vous, un gentilhomme, qu'est-ce que cela, bon Dieu, auprès du bruit du canon et des arquebusades avec lequel vos oreilles doivent s'être familiarisées dès longtemps ? Car vous avez fait la guerre, n'est-ce pas ? Il est vrai, balbutia le jeune homme avec quelque embarras, mais une impression dont je n'ai pas été maître. Oh ! S'empressa d'ajouter Mademoiselle d'Arcona, cela n'a rien qui doit vous étonner, mon père. Ne m'avez-vous pas dit que M. d'Épernon, qui est un vaillant homme de guerre, ne saurait respirer le parfum d'une rose sans s'évanouir ? Oui, ma fille, mais M. d'Épernon est un papiste. M. d'Épernon est un de ces mignons de cour que Dieu donne et qui, si l'on y prend garde, avec toute leur volupté, leur momerie et leurs os de senteur, finiront par perdre notre beau royaume de France. M. de Bourbon, lui, est un franc et loyal huguenot, bien que ses mains et son visage soient plus blancs et plus efféminés qu'il le convient, un gentilhomme du culte réformé. M. de Bourbon a le pape et la messe en haine, il me l'a dit. « Monsieur, s'écria d'une voix altérée celui qui était l'objet de cette étrange panégyrique, je ne saurais, sans doute, il allait parler davantage. » Mais Anne d'Arcona l'interrompit vivement. « Laissons cela, et si mon père y consent, faites-nous la grâce de reprendre votre lecture, qui m'a vivement intéressé. Ce monsieur de Ronsard est un grand poète. » « Ce n'est pas mon avis, » reprit le comte. « Les vers que nous venons d'entendre sont des vers de papistes, bons tout au plus pour les muguets et les mijaurés du Louvre. Mais aux huguenots, vive Dieu, il faut d'autres poésies. Parlez-moi des saints psaumes que nos frères chantaient à Dreux, à Jarnac. Mon père, » s'écria peut-être un peu malignement la jeune fille. « Dans toutes ces batailles, ces poésies-là n'ont pas empêché nos frères d'être vaincus. »« Il est vrai, » repartit le vieillard, « mais elles les ont aidés à mourir. » Rappelé par cette réponse à la fois lugubre et sévère à des sentiments plus conformes à sa position et au culte qu'elle professait, Anne d'Arcona se tut. Comme, de son côté, le jeune gentilhomme était plongé dans une profonde rêverie, la conversation tomba, et l'on n'entendit plus que le bruit de la pluie qui venait frapper contre les vitres de la salle et le grincement des girouettes au sommet des toits. En présence de la voix redoutable de l'orage, il semblait que nul des trois personnages n'osa élever la sienne. Mademoiselle d'Arcona rompit le silence la première. « Voici, dit-elle, un été bien fécond en orage. Qu'en pensez-vous, monsieur de Bourbon ? C'est par une nuit pareille, si j'ai bonne mémoire, que vous êtes devenu notre hôte. Il y a pourtant déjà un mois de cela, comme le temps passe vite. Vous souvient-il de cette nuit-là ? » Il y eut dans l'inflexion de voix avec laquelle la jeune fille prononça ces dernières paroles, quelque chose de tendre et même de passionné, qui n'eût point échappé à l'oreille d'une mère, mais qu'un père interprète rarement. « Oh !» reprit vivement le jeune gentilhomme, « il y a de ces souvenirs qui, une fois gravés dans le cœur, n'en sortent qu'avec la vie. Et la vie, c'est à vous que je la dois. Je ne l'oublierai jamais, non plus que l'hospitalité que j'ai reçue au château d'Arcona. » « Il dépend de vous, » dit le comte, « d'y prolonger votre séjour. Dans ces temps de troubles civils, il ne fait pas bon de courir le pays. Vous l'avez éprouvé. Depuis que le roi s'est vu forcé, après la journée des barricades, d'aller chercher un refuge à Chartres, les catholiques de Normandie ont redoublé d'audace. Ils sont maîtres de toute la contrée et nous obligent à nous tenir enfermés dans nos châteaux jusqu'au jour où il ne sera permis de prendre notre revanche. Ainsi, croyez-moi, restez avec nous. Eh bien, qui sait s'il ne sera pas pour longtemps ? Je me fais vieux, et après moi le fief d'Arcona et les domaines qui en dépendent doivent tomber en quenouille. Peut-être trouverons-nous ensemble un moyen d'empêcher qu'il en soit ainsi. » Le trouble le plus vif se peignit sur les traits du jeune gentilhomme en entendant ces derniers mots. Soit qu'il eût espéré jusque-là cacher au comte un amour naissant qui se trahissait de tant de manières, soit que quelque obstacle connu de lui seul s'opposa à la réalisation d'un projet dont tous les avantages étaient pour lui. Il demeura muet et interdit et baissa les yeux. 10 heures sonnèrent à ce moment à l'horloge du château. « Il est temps de se coucher, » dit le comte, qui attribua sans doute le trouble de son hôte à une toute autre cause que celle qu'il avait provoquée réellement. « L'orage semble toucher à son terme. Je vais dire la prière. » Ici, selon l'usage établi au château d'Arcona, ceux des serviteurs qui venaient de faire aussi de leur côté la veillée entrèrent dans la salle et tous, maître et valet, s'étant agenouillés, le comte récita à haute voix la prière du soir, qui fut terminée, comme de coutume, par une oraison pour le repos de l'âme de la comtesse d'Arcona et de ses 3 fils. Lorsque ce pieux devoir fut accompli, mademoiselle d'Arcona, accompagnée de quelques serviteurs, alla conduire son père jusqu'à sa chambre, puis elle se dirigea elle-même vers la sienne, escortée de dame Marthe, sa nourrice, qui était venue la rejoindre, et d'un vieux valet qui marchait en avant, portant un flambeau devant elle. Chemin faisant, M. de Bourbon se présenta sur son passage pour prendre congé d'elle. Elle s'arrêta, et les paroles suivantes furent échangées entre eux à voix basse. « Ce soir, dans 1 heure, dit le jeune homme, je serai sous votre balcon. Vous ouvrirez au signal convenu. »« Oh, Charles, Charles, » murmura la jeune fille, « combien je suis coupable. » Et elle lui tendit la main, qu'il baisa respectueusement, puis il ajouta à haute voix, « Que Dieu vous garde cette nuit, mademoiselle d'Arcona. » Chapitre 5e. Toutes les lumières étaient éteintes dans le château d'Arcona. Le silence et les ténèbres avaient envahi le vieux manoir, qui semblait endormi comme ses hôtes. Pourtant, celui qui fait le tour du château eut distingué sans peine à l'angle oriental une fenêtre isolée, d'où s'échappait par intervalles, à travers une myriade de vitraux en losange, la faible lueur d'une lampe. Le ciel était sombre et sans étoiles. Cette lampe était-elle donc, comme jadis, le fanal d'Abydos, destiné à servir de guide à quelques jeunes et charmants voyageurs? Il faut le croire, car un peu avant que l'horloge sonne à 11 heures du soir, un léger bruit retentit sous le balcon de la fenêtre dont il s'agit, et cette fenêtre s'ouvrit. Un homme, s'aidant des saillies du mur, grimpa lestement jusqu'à la balustrade de fer du balcon, qu'il escalada avec l'assistance d'une main secourable, puis il pénétra dans l'intérieur. En même temps, la fenêtre se referma et la lumière disparut. Pas n'est besoin de nommer l'audacieux qui venait de consommer un projet si coupable, non plus que celle qui s'était faite volontairement sa complice. Et le dialogue suivant expliquera nettement leur position réciproque. Vous êtes bien sûr, mon ami, que nul ne vous a vu diriger vos pas vers cette partie du château. Rassurez-vous, ma bien-aimée, par une pareille nuit, vous pouvez être sans inquiétude. Dieu soit loué. Charles, mon bon Charles, à quoi pensez-vous donc que vous ne m'avez pas seulement encore embrassé? « Pardon, je suis si troublée. Et moi, je suis si heureuse. D'abord, je vous vois. Et puis, vous avez entendu les paroles de mon père ce soir. Mon bon père, il se sera aperçu de notre amour et il l'encourage. S'il en était autrement, vous aurait-il dit qu'il fallait rester avec nous, et pour longtemps peut-être, et bien d'autres choses qui me faisaient palpiter d'aise et qui m'inspiraient en même temps des remords. Car il ne faut pas se le dissimuler. Nous sommes bien coupables, Charles, de tromper un si excellent père. » « Oh oui, bien coupable. Mais tenez, ne parlons pas du passé, ne songeons qu'à l'avenir. »« L'avenir, » articula Charles, « vous avez raison, songeons à l'avenir. » En prononçant ces derniers mots, le jeune homme avait incliné sa tête vers le sol avec toutes les marques de la plus profonde tristesse. « Qu'est-ce donc ? » s'écria son interlocutrice effrayée. « Charles, vous avez du chagrin, quelle peut en être la cause ? Vous ne me répondez pas. » C'est à en mourir. Moi qui, avant cet instant, étais toute joyeuse de l'espoir d'une union prochaine. Charles releva vivement la tête et avec un sourire mélancolique. Nous unir, pauvre enfant. Avez-vous donc oublié quel obstacle invincible s'oppose à l'union d'un catholique et d'une protestante, alors que cette protestante est la fille du comte d'Arcona? Qu'importe si ce catholique consent à abjurer sa religion. Ah, que me demandez-vous? Ce que je ferais moi-même si je ne craignais de faire mourir mon pauvre père de désespoir. Ce que vous m'avez promis, Charles, écoutez-moi. Ne vous souvient-il plus que, sauvé par moi d'une mort presque certaine, vous m'avez dit « Si vous m'aimez, votre culte sera le mien. » Confiante dans vos paroles, moi, Charles, je vous ai aimé. Aujourd'hui, dites-moi lequel de nous deux est redevable envers l'autre. Oh, c'est moi, ma bien-aimée, je ne cherche pas à le nier. Eh bien, Le moment est venu d'acquitter votre dette, Charles. Charles, ne me refusez pas. Simple et crédule jeune fille, élevée dans le fond d'un vieux château, je n'ai jamais hanté la cour, et j'ignore comment on trompe. Aussi, je me suis fié à vous. Si vous vous étiez joué de moi, ce serait horrible. Vous n'avez pas agi ainsi, n'est-ce pas, Charles? Dites-le-moi. Cette abjuration que je vous demande, qui peut vous empêcher de la faire? Votre père? Mais lui-même, s'il existait, serait le premier à vous la conseiller. Votre mère? Mais elle s'est déshéritée elle-même du droit de s'y opposer le jour où, catholique, elle s'est donnée à un protestant. Ma religion, Charles, est celle de toute votre famille, de tous ceux qui portent le nom de Bourbon, un seul excepté, un seul dont vous ne voulez pas suivre l'exemple, sans doute, le cardinal. Et quand il n'en serait pas ainsi, est-ce que, pour ceux qui aiment, il y a d'autres religions que l'amour? Mon Dieu, ce que j'ai dit là est peut-être un sacrilège, et j'en serais puni dans ce monde ou dans l'autre. Me voyez-vous, Charles? Je vous aime tant qu'il me semble que je préférerais même l'enfer avec vous, au paradis sans vous. » En parlant ainsi, une flamme presque surhumaine brillait dans les beaux yeux noirs de la jeune fille. Quant à celui auprès duquel elle se tenait dans une attitude presque suppliante, on pouvait lire aisément sur son visage les traces du cruel combat qui se livrait dans son âme. À la fin, il s'écria d'une voix brisée, « Anne, vos paroles me déchirent le cœur, mais l'abjuration que vous me demandez est impossible. »« Impossible ? » reprit vivement la jeune fille. « Mais alors je suis perdue, moi ?» Il laissa tomber sa tête entre ses mains en sanglotant. « Et moi ?» dit le jeune homme avec l'accent du plus profond désespoir. « Je suis maudit. Maudit pour avoir oublié les devoirs les plus saints. Maudit pour avoir apporté le trouble et le malheur dans ce château, en échange de l'hospitalité que j'y recevais. Maudit surtout pour avoir empoisonné l'existence de la plus pure et de la plus vertueuse créature. Mon Dieu, vous m'avez fait connaître mon arrêt ce soir même par la voix de votre tonnerre. Et pourtant, ajouta-t-il, en contemplant d'un œil hagard celle qui était là, pleurant à ses côtés, quel est l'homme qui, à ma place, eût résisté à tant de grâce et de séduction? Quel est celui qui, deux fois sauvé de la mort par cette belle jeune fille, n'eût pas renié pour lui plaire toutes ses croyances, n'eût pas sacrifié tous ses devoirs pour en être aimé? Oh, l'épreuve était trop forte pour ne pas y succomber, mais il n'est jamais trop tard pour expier un crime. C'est moi qui ai apporté ici le deuil et la désolation. Si j'y demeure davantage, c'est plus encore, c'est le déshonneur, c'est la mort. Eh bien, j'aurai du moins la force d'en sortir pendant qu'il en est temps. Que voulez-vous dire? S'écria la jeune fille en fixant sur son amant un regard rempli d'une inexprimable angoisse. Anne, ma bien-aimée, reprit Charles de Bourbon, d'une voix qu'il essaya de rendre calme, écoutez-moi. Je n'essaierai pas plus longtemps de vous cacher une résolution dont l'exécution ne saurait être différée après l'entretien que j'ai eu ce soir avec votre père. Cette entrevue que j'ai réclamée de vous, elle est la dernière. La dernière ? Un cri déchirant accompagna cette exclamation. Charles reprit. Oui, il le faut. Du courage, ma pauvre bien-aimée, si vous voulez que je n'en manque pas moi-même. Il y a le repos, le bonheur peut-être pour vous qu'à ce prix. Toutes mes dispositions sont faites et demain, au point du jour, j'aurai quitté le château d'Arcona. Une lettre, qui sera remise à votre père à son réveil, contient l'aveu que j'ai dû lui faire de ma véritable religion. J'implore son pardon pour lui avoir dissimulé si longtemps un fait dont la révélation devait m'exiler à l'instant même de sa demeure. Je lui dis que je vous aime, et que devant renoncer à l'espoir d'être jamais votre époux à cause du culte que je professe, je prends le seul parti que j'eusse de suivre depuis longtemps. Anne, suffoquée par ses larmes, avait jusque-là laissé son amant poursuivre ses explications sans l'interrompre, mais à la fin, faisant un violent effort pour comprimer ses sanglots, elle s'écria. « Non, Charles, cela ne sera pas, car j'en mourrai, et vous ne voulez pas que je meure. Moi, renoncer à vous voir, l'avez-vous bien pensé? Mais vous êtes mon bonheur, mon trésor, ma vie. Vous êtes le jour qui m'éclaire, l'air que je respire. Charles, prenez pitié de moi. Sans vous, que voulez-vous que je devienne? Restez, restez, je vous en supplie, à genoux. Eh bien, qui sait, tout n'est pas désespéré. Il arrive tous les jours qu'un catholique épouse une protestante. Mon père est bon, il m'aime tendrement. Peut-être plus tard, nous pourrons le fléchir. Oh, dis-moi que tu ne partiras pas. » En parlant ainsi, la jeune fille s'était précipitée aux genoux de son amant et elle lui prenait les mains qu'elle couvrait de larmes. Dans cet état, elle eut inspiré de la pitié au cœur le plus endurci. Et pourtant, l'homme auquel elle s'adressait lui répondit en détournant la tête. « Anne, Anne, demandez-moi mon sang, ma vie qui vous appartienne, mais au nom du Dieu Tout-Puissant qui nous regarde tous les deux, ne me demandez pas de rester ici. »« Vous me refusez, » dit la jeune fille en se relevant. « Eh bien, vous ne m'empêcherez pas du moins de partir avec vous. »« Partir ? Abandonner votre vieux père, dont vous êtes l'unique consolation, Anne ? Rétractez cette parole impie, je vous en conjure. » Et moi, je vous dis, Charles, que je ferai cela pour vous. Insensé, gardez-vous de me suivre, si vous saviez. Mais non, ce secret est trop horrible. Anne, vous que j'ai tant aimé, que j'aime encore. Oh, plus que vous ne le pouvez penser. Lorsque je serai sorti d'ici, promettez-moi de ne point vous enquérir de mon sort, de me regarder comme un mort. Et si jamais vous entendiez prononcer mon nom, de vous enfuir au plus vite. Car voyez-vous bien, jeune fille, à la suite de ce nom, vous pourriez recueillir telle parole qui ferait blanchir à l'instant vos beaux cheveux noirs sur votre tête. Charles, Charles, ne me regardez pas ainsi, j'ai peur. Mais il importe. Cette incertitude est trop cruelle, je veux tout savoir. Eh bien, à cet instant, on entendit sonner avec violence à la porte du château. Anne et Charles de Bourbon, muets et interdits, jetèrent instinctivement les yeux sur la fenêtre. Les vitraux étaient illuminés par une lueur rougeâtre. Il y avait quelque chose de lugubre dans le son de cette cloche, au milieu du silence solennel de la nuit, et dans cette illumination semblable à celle que produit un incendie. Bientôt des bruits confus de voix, puis des piaffements de chevaux succédèrent au tintement de la cloche. Anne entr'ouvrit la fenêtre, elle aperçut dans le lointain des torches qui allaient et venaient. Enfin, des pas précipités retentirent dans le corridor qui conduisait à sa chambre, et l'on s'arrêta devant la porte. C'était la vieille Marthe qui cria à travers la serrure « Mademoiselle, ouvrez, ouvrez vite !»« Nous sommes perdus !» dit la jeune fille à voix basse à Charles de Bourbon. « Sauvez-vous, sauvez-vous, s'il en est temps encore. Mais je vous reverrai, n'est-ce pas, Charles, vous me le promettez ?» Et elle le conduisit jusqu'au balcon. Le jeune homme déposa sur son front un baiser d'adieu, puis il descendit rapidement comme il était venu. Anne referma doucement la fenêtre et alla ouvrir à sa nourrice. « Qu'est-ce donc ? » lui dit-elle avec une surprise qui, du moins, n'était certainement pas jouée. « Que se passe-t-il dans le château ?»« Ah, mademoiselle !» dit la vieille Marthe en se jetant sur un siège. « Laissez-moi respirer, car je n'en puis plus. Le trouble, l'émotion. Mais enfin, qu'y a-t-il ? » ?»« Il y a, mademoiselle !» s'écria la vieille en faisant violent effort. « Il y a que le roi, la reine-mère et toute leur cour viennent d'entrer à 7 heures dans le château d'Arcona. » Chapitre 6e. En apprenant la visite inattendue qui lui arrivait, le comte d'Arcona s'habilla à la hâte et arriva assez à temps pour recevoir ses illustres hôtes à la porte de la grande salle de son château, où il avait donné l'ordre de les introduire. Là, fidèle aux vieux usages des temps féodaux, il mit un genou en terre et alors un spectacle assez étrange, surtout pour un vieux seigneur huguenot, dès longtemps confiné dans son château et étranger aux habitudes de la cour, vint frapper ses regards. À la lueur des flambeaux et des torches que tenaient dans leurs mains plusieurs pages et valets, il vit s'avancer processionnellement vers lui un essaim de femmes toutes dans la fleur de la jeunesse et de la beauté, toutes en passant devant lui s'inclinèrent avec un sourire plein de grâce. Quel contraste avec cette révérence froide et sévère que le vieux gentilhomme se souvenait d'avoir vu en usage à la cour du roi Henri III, et par quelle bizarre fantaisie les guerriers bardés de fer, escorte ordinaire des rois de France, avaient-ils cédé leur place à des cœurs de nymphes qu'on eût dit prêtes à danser la sarabande tant il y avait de mollesse et d'abandon dans leur pose. À la suite de toutes ces jeunes filles venaient, pâles, vêtues de noir et les yeux brillants d'un feu sombre, une femme qui semblait leur commander à toutes. C'était la reine Catherine de Médicis, ou plutôt c'était son fantôme, car déjà l'on pouvait lire sur son visage flétri les signes précurseurs de sa fin prochaine. Enfin, derrière elle, et en quelque sorte comme son laquais, marchait le roi de France, Henri IIIe du nom, portant au cou je ne sais quel chapelet béni composé de têtes de mort et sur chacun de ses bras un de ses petits chiens favoris. Sans doute, en le voyant entrer à la suite de toutes ces femmes et dans un tel attirail, le comte d'Arcona dut se rappeler involontairement ce beau vers de son coreligionnaire Agrippa d'Aubigné, et se demander comme lui s'il voyait un roi femme ou bien un homme reine. Catherine de Médicis ayant donné sa main à baiser au comte, le roi, nonobstant le fardeau dont il était chargé, crut devoir imiter sa mère. Néanmoins, ce fut cette dernière qui, comme de coutume, porta la parole après avoir aidé le vieillard à se relever. « Nous avons, dit-elle, des excuses à vous adresser, monsieur d'Arcona, de venir ainsi vous déranger et troubler votre sommeil. Mais nous espérons trouver grâce auprès de vous, car tout huguenot que vous soyez, et l'on sait que les huguenots furent toujours de nos amis, nous vous tenons pour un bon et loyal serviteur de sa majesté. » Le comte d'Arcona se disposait à répondre, mais la reine reprit aussitôt. « La personne du roi n'était pas suffisamment en sûreté à Chartres, et nous avons préféré venir chercher un asile contre les coupables desseins des rebelles dans notre bonne ville de Rouen. Nous avions espéré, Dieu aidant, y être rendus avant la nuit. Mais voici que l'orage a déconcerté notre espoir, et nous venons vous demander l'hospitalité pour quelques heures. » « Oui, monsieur d'Arcona, ajouta le roi, qui jugea devoir enfin rompre le silence, le temps seulement de faire reposer nos chevaux, et nous partirons à la pointe du jour. » Sire, répondit le vieux gentilhomme avec un accent plein de solennité, c'est un grand honneur pour la maison d'Arcona de donner asile à votre majesté, ne fût-ce même que pour quelques minutes. Et désormais, ce château n'a rien à envier au plus fier manoir de la Normandie, puisque le roi et son auguste mère ont daigné en franchir le seuil. Les ossements de nos aïeux s'en réjouiront dans leur tombeau. Je n'ai qu'un regret, sire, c'est de ne pouvoir vous offrir une hospitalité digne de vous. Vous ne trouverez ici aucun luxe, aucune pompe. Sire, la religion à laquelle j'appartiens m'interdit ces vanités, et d'ailleurs les ennemis de cette religion ont pris soin d'enlever à la demeure de mes pères tous les ornements qui jadis auraient pu la rendre moins indigne de vous. Aujourd'hui, le château d'Arcona n'est plus qu'une pauvre habitation tombant en ruine. Les murailles en sont nues, vous le voyez. Et tant que j'existerai, il en sera ainsi, car je veux que les traces du passage de mes ennemis dans cette enceinte demeurent ineffaçables, comme ma douleur. » À cette réponse de l'austère châtelain, le roi et sa mère échangèrent un regard d'intelligence et il y eut un moment bien marqué d'indécision pendant lequel l'un et l'autre semblèrent se consulter. À la fin, le roi sembla prendre une grande résolution et remettant aux mains d'une des filles d'honneur de la reine le précieux fardeau dont il n'avait voulu confier le soin à aucun autre jusque-là, pendant toute la durée du voyage, il s'installa dans un fauteuil et s'écria, en poussant un profond soupir, « Hélas, monsieur d'Arcona, je vous plains de toute mon âme, mais si vous pensez que mon sort soit plus heureux que le vôtre, détrompez-vous. Vos ennemis ont mis votre châtellerie à sec, mais ils n'ont pu vous la prendre. Moi, monsieur, je suis errant et fugitif devant un sujet rebelle qui veut me prendre mon royaume. Sans Dieu, sire, répliqua le vieillard avec une grande vivacité. Il ferait beau voir que monsieur de Guise eût cette audace. Qui pourrait l'en empêcher ? Reprit tristement le roi. Deux choses, sire. Tirez votre épée hors du fourreau, et puisque les catholiques se liguent contre vous avec la maison de Lorraine, appelez à votre aide les calvinistes. » À ces paroles prononcées chaleureusement par le vieux gentilhomme huguenot, les filles d'honneur de Catherine de Médicis furent sur le point de se signer comme si elles eussent entendu quelque affreux blasphème. Mais sur un geste de la reine, elles se continrent, et d'ailleurs leur surprise s'accrut encore en entendant le roi répondre d'un ton plein de bienveillance. « Monsieur d'Arcona, je songerai mûrement à votre conseil. » Certes, dans un pareil moment, et pour peu qu'on l'en eût pressé, Henri III aurait pu déclarer qu'il avait quelque penchant pour se faire huguenot. Sur ces entrefaites, parut mademoiselle Anne d'Arcona, qui s'avança timidement au milieu de la salle. « Quelle est cette jeune demoiselle ? » dit la reine, qui ne fut peut-être pas fâchée de cette occasion de détourner la conversation. « Madame, répondit le comte, c'est ma fille. « Approchez, mon enfant, dit la reine. Comment vous nomme-t-on ? Anne, pour vous servir, madame. » « Anne ? Un nom dont les grâces et la beauté ont été plus souvent l'apanage que le bonheur. Mademoiselle, puisse Dieu, qui s'est montré si prodigue envers vous du premier de ses dons, ne pas vous refuser l'autre. » « Que Dieu vous entende, madame, dit la jeune fille en rougissant. « Monsieur d'Arcona, reprit vivement le roi, je vous fais compliment. Votre fille est une des plus charmantes personnes que j'ai vues de ma vie. » « Ne trouvez-vous pas, madame, ajouta-t-il à voix basse en se tournant vers Catherine de Médicis, que mademoiselle d'Arcona, quelque chose dans les traits de cette belle princesse de Clèves que j'ai tant aimée et que je pleurerai toute ma vie. « En effet, » répondit Catherine également à voix basse, « mais c'est une éducation à faire, et il manque à cette jeune fille les manières de la cour. On pourrait les lui montrer. Peut-être, mais taisez-vous, et n'oubliez pas que nous respirons ici l'air calviniste. Soyez prudent. » « Monsieur d'Arcona, » ajouta-t-elle à haute voix, « n'avez-vous point d'autres enfants ?» Une larme mouilla la paupière du vieux gentilhomme qui répondit « J'avais trois fils, mon orgueil, mon espoir, trois fils que j'élevais pour le service du roi. Dieu me les a repris tous trois le même jour. Ils ont été tués à Jarnac. » « Sous quel drapeau ?»« Madame, » répondit le comte avec surprise, « sous celui de leur père. J'entends. Ils étaient tous trois huguenots. Que Dieu ait pitié de leur âme. Monsieur d'Arcona, moi aussi, j'ai perdu trois fils. Mon orgueil, mon espoir, et tous trois étaient catholiques. Vous voyez que si la religion nous sépare, il y a du moins entre nous fraternité de douleur. » Catherine de Médicis baissa la tête avec un sentiment de mélancolique rêverie et garda quelques instants le silence. Peu après, elle reprit. « Ce sont là de tristes souvenirs, n'en parlons plus. Aussi bien nous avons à causer avec vous de toute autre chose, mon cher hôte, et si vous voulez que je vous le dise par avance, je compte, avant de quitter ce château, vous adresser une requête. » « Une requête à moi, votre sujet. Parlez, madame. » « Oh, vous êtes trop courtois, gentilhomme, pour me la refuser. Vous conservez ici, loin de tous les yeux, un trésor dont je conçois aisément que vous soyez fier, alors que moi j'en suis jalouse. J'espère du moins que vous n'en serez pas assez avare pour me refuser d'en jouir à mon tour pendant quelque temps. « Qu'est-ce donc, madame, et que voulez-vous dire ?» reprit le vieillard avec un trouble dont il ne put se rendre maître. « Comte, vous cherchez en vain à me le dissimuler. Je suis sûr que vous m'avez comprise car vous venez de regarder votre fille. Ma fille, c'est de ma fille qu'il s'agit. Oui, n'est-elle pas d'illustre naissance et digne à tous égards d'être admise au rang de mes demoiselles d'honneur ?»« Madame, » répondit le comte avec un sourire qui ne fut pas exempt d'amertume, « c'est un bien haut témoignage de faveur royale que votre majesté daigne offrir à la maison d'Arcona, mais il m'est impossible de l'accepter. »« Impossible ? Pourquoi donc ?» interrompit le roi. « Sire, cette jeune fille est la consolation, l'appui de mes vieux jours. Je n'ai plus qu'elle en ce monde pour me distraire de mes sombres ennuis, pour me parler de sa mère et de ses frères, qui m'attendent bientôt. « Et vous voulez que je me sépare d'elle ? Oh non, sire, cela ne se peut. » « Demandez-moi tout ce que je possède, hormis cette jeune fille, et je vous le donnerai. Mais elle, ah, laissez-la moi. » En parlant ainsi, le vieux gentilhomme avait saisi les deux mains de sa fille, qu'il tenait étroitement pressées dans les siennes. « Eh bien, comte, reprit la reine, qui vous empêche d'accompagner votre fille. Aujourd'hui, nous sommes vos hôtes, soyez demain le nôtre. Les portes du Louvre ne vous seront pas fermées. Et il y a telle dignité du royaume qui n'attend qu'un gentilhomme en état de la remplir. » Parlez, monsieur d'Arcona, ajouta le roi, quelle est celle des charges laissées vacantes dans notre maison par la rébellion de mon cousin de Guise, qui sera le mieux à votre gré? Aucune, sire. Je suis rentré dans ce château pour y finir mes jours, et si tel est le bon plaisir de votre majesté, je n'en sortirai point. Pourtant, dit la reine, tôt ou tard, il vous faudra rester seul dans ce château lorsque vous aurez fait choix d'un époux pour votre fille. Peut-être l'époux que j'aurai choisi consentira-t-il à partager ma solitude ? Telle est du moins mon espérance. J'entends. Vous avez à cet égard des projets dont la réalisation pourrait être assez prochaine, madame. C'est ce que j'avais déjà cru lire dans les yeux de votre fille. Me sera-t-il permis, interrompit le roi avec un mouvement de mauvaise humeur bien marqué, de connaître le nom de l'heureux gentilhomme ? Sire, reprit le vieillard, j'ai quelques raisons de penser que ce nom ne sera pas désagréable à votre majesté, mais je vais laisser à celui qui le porte le plaisir de vous l'apprendre lui-même. » Et en même temps, il fit signe à un de ses valets d'approcher et lui commanda à voix basse d'aller quérir M. de Bourbon en se donnant bien de garde de l'avertir toutefois que le roi était là. Le valet trouva celui qu'il venait chercher étendu sur son lit, tout habillé et profondément endormi, car en s'échappant de la chambre d'Anne d'Arcona, le jeune gentilhomme avait pensé que le mieux était de rentrer dans la sienne pour y attendre les événements, et comme on l'y laissa parfaitement tranquille, il finit par se persuader que l'alerte qui avait déterminé sa fuite était tout simplement occasionnée par l'arrivée de quelques hôtes, parents ou amis du comte d'Arcona. Dans cette confiance, il n'est pas étonnant qu'il eût fini par s'endormir. Cependant, lorsque le valet le pria de le suivre pour aller trouver son maître, il commença à éprouver quelque inquiétude, car il n'était guère naturel de se voir réveillé ainsi au milieu de la nuit sans quelque important motif. Toutefois, comme il craignait d'exciter les soupçons en déclinant l'invitation qu'il recevait, il fit bonne contenance, rajusta ses vêtements, et après deux ou trois questions auxquelles il fut répondu d'une manière fort évasive, il suivit son guide et ne tarda pas à être introduit dans la grande salle. « Crois Dieu, je ne me trompe pas !» s'écria le roi du plus loin qu'il l'aperçut. « C'est notre beau cousin Charles de Bourbon. Quel bon vent vous a amené ici, monsieur de Bourbon, pour que nous nous y rencontrions ?»« Je vous croyais depuis longtemps un roi, auprès de votre oncle le cardinal, chez lequel on nous avait dit que vous étiez allé chercher un refuge après la damnable journée des barricades. » Au nom du cardinal, le comte d'Arcona fronça le sourcil. Quant à Charles, il était plus mort que vif, et ce fut d'une voix à peine articulée qu'il murmura ces mots. « Sire, je vous raconterai, en temps et lieu, tout ce qui m'est arrivé. »« À la bonne heure !» reprit gaiement le roi, puis se tournant vers le vieux gentilhomme. « Ah ça, dit-il, votre gendre se fait bien attendre. »« Eh mais, dit le comte en désignant du doigt le nouveau venu, il est là, devant vous. » Ici, un frémissement général parcourut toute l'assemblée, et les filles d'honneur de Catherine de Médicis portèrent alternativement le regard sur Charles de Bourbon et sur Anne d'Arcona, avec une expression d'horreur à la fois et de cruelle raillerie. Le comte s'en aperçut, et comme tout le monde demeurait muet, il fit quelques pas pour se rapprocher du roi, et se tint quelque temps devant lui, la bouche béante, les cheveux et la barbe hérissés, les yeux hagards. Puis il s'écria d'une voix pleine de trouble et d'angoisse. « Qu'est-ce donc ? Que se passe-t-il ? Pourquoi regarde-t-on ainsi ma fille ? Pourquoi ce silence ? Ah, vous me faites trembler ! Ayez pitié de moi, sire, ayez pitié de moi, vous tous qui êtes ici présents. Mon Dieu, la présence d'un roi ne saurait porter malheur, n'est-ce pas, sire ? Vous êtes le roi, c'est à vous de parler. Un mot, un seul mot, je vous en supplie. » Le roi se leva et dit, « Comte d'Arcona, je vous plains. » Puis se tournant vers le jeune gentilhomme, qui pâle, les yeux baissés, se tenait au milieu de la salle. « Monsieur, ajouta-t-il d'un ton sévère, « sortez de ce château à l'instant même !» Charles de Bourbon fit un mouvement pour obéir au roi, mais il fut arrêté par un cri de désespoir qui retentit auprès de lui. Ce cri, c'était Anne d'Arcona qui l'avait poussé. Anne d'Arcona qui embrassait les genoux de Henri III en disant « Grâce, grâce pour lui, sire, ne me l'enlevez pas, je l'aime !»« Vous l'aimez ?» reprit le roi épouvanté. « Ah, malheureuse !» À cet instant, la plus violente fureur succéda dans l'âme du comte d'Arcona à toutes ses angoisses. Ou bien même le respect que lui imposait la présence du roi, il tira son épée et se précipitant devant de Charles de Bourbon. « Misérable ! Tu m'as trompé sans doute, tu es catholique. Oui, tu dois être catholique. Défends-toi ou je te tue !»« Arrêtez !» dit le roi. « Au nom du ciel, arrêtez, comte d'Arcona. Cet homme est un païen. » Cet homme est un débauché, mais il faut le respecter. » En parlant ainsi, le roi s'était jeté entre Charles de Bourbon et son agresseur et semblait vouloir faire au premier un rempart de son corps. « Le respecter ? Pourquoi ? Pourquoi ?» repartit le vieillard avec rage. « Parce que, répondit le roi en se signant, parce que celui qui toucherait seulement à un cheveu de la tête de cet homme commettrait un sacrilège. Il est prêtre.